Qu'est-ce que tu veux là? C'est mon toboggan là. Ouais, vas-y là-bas. Vas-y là-bas, c'est mon toboggan, vas-y, bouge de là. Quoi, c'est le toboggan de son père ou quoi? Oh, il croit que c'est le toboggan de son père, lui. Bah oui. C'est notre toboggan, frère, c'est notre parc, ça. Oh, allô? Hein? Oh, naf, sur le sang, ça va ou quoi? On est au parc, juste derrière chez toi, là. Ouais, au toboggan. Mais tu fais du toboggan ou quoi? Non, n'en fais pas. Je viens, frérot. Ah, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, j'arrive. Bande de sgueil. C'est naf, il arrive. Oh, il arrive à venir me chercher. Sazonam